Nous bénissons les dieux qui nous accordent encore ces moments. Nous élevons son nom élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur, merci pour ces cultes. Nous voulons encore t'élever. Nous voulons encore te reconnaître souverain sur nos vies. Nous voulons te reconnaître le maître de temps et de circonstances. Nous voulons te reconnaître, ô Dieu, contrôla l'univers. Créateur parfait. Mumbaji kamilifu. Sois élevé. Achawe ndo kainuliwe. Béni ta parole dans nos cœurs. Bariki neno lako mioyoni mwetu. Je prie pour mon frère. Naombea ndugu yangu. Qui est en train de nous suivre. Ambaye iko natufuata. Maintenant, ô Dieu, dans ce culte. Kwa sasa ndani ya ibada yake Mungu. En famille. Ndani ya jamaa. Ou en marchant. Ama kitembea. Ou ô Dieu, dans un lieu. Ama mahali flani. Sur le média. Akiwa kwenye mitandao. Je prie que le Saint-Esprit, naomba kwamba Roho Mtakatifu, qui n'est pas limité par l'espace, ambaye hazuizwi na nafasi, puisse nous connecter aux grâces insondables de Dieu. Aenda katuunganishe na neema isiyo na kipimo. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous offrons à ce Dieu une grande acclamation. Tunamshangilia sana Mungu huyu. À la maison où nous sommes, nous acclamons ce Dieu. Nyumbani mahali tulipo tunamshangilia Mungu huyu. Quel que soit les lieux où nous sommes, nous élevons le grand roi. Ijalisi mahali tulipo tunamuinua mfalme. Il est notre Dieu. Et nous sommes fiers de lui appartenir. Na sisi tunafurahi kuwa wake. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu murudilie Mungu wetu. Nous bénissons le Dieu des cieux. Tunabariki Mungu wa mbingu. Qui a conduit à ce que nous puissions partager ses enseignements. Ba ametuongoza kwamba tuweze kuchangia mafundisho haya. À ce bon moment. Kwa wakati huu mzuri. Qui nous convient d'accorder nos oreilles à notre maître. Ambaye natupasa kumsikiliza bwana wetu. Nous voulons parler ce matin. Asubuhi ya leo tunatamani kuzungumza. De notre quatrième point. Juu ya nukta yetu ya ine. Quand nous parlons de l'avenir du monde selon Dieu. Tunapozungumzia ujao wa dunia sawa kufuatana na Mungu. Aujourd'hui nous voulons parler sur un sous-point. Leo tunatamani kuzungumzia mada ndogo. Que je vais mixer ambao nitachanga avec le signe des temps et la position de l'Église. Pamoja na alama za wakati na nafasi ya kanisa. Mais le sous-point, je l'ai intitulé. Na nukta hiyo nimeweza kusema. L'Église face à la marque de la bête. Kanisa mbele ya chapa ya mnyama. Il y a beaucoup de questions sur le chiffre 666. Kuna maswali mengi juu ya hesabu ya 666. Et nous voulons voir l'Église face à cette réalité de 666. Na tunatamani kuona kanisa mbele ya huo ukweli wa 666. Nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. Afin que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Ili kwamba tuweze kuingia ndani ya kiini ya mada yetu. Il y a plusieurs textes, mais nous allons lire deux textes. Kuna maandiko mengi lakini tutasoma mbili. 2 Thessaloniciens, wa Thessalonika wa pili, chapitre 2e, sura 2, du premier, du 3e jusqu'au 12e verset. Mstari wa 3 hadi wa 12. Mais aussi Apocalypse chapitre 13. Lakini pia kitabu cha Ufunuo 13. 1 à 22. Moja hadi 22. L'Église face à la marque de la bête. Kanisa mbele ya chapa ya mnyama. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Tusome kwa jina la Bwana wetu Yesu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Mtu asiwadanganye kwa aina yoyote. Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Maana inaomba kwamba uovu ufike. Et que se révèle l'homme impie. Na mtu wa uovu aenda kaonekane. Le fils de la perdition. Mtoto wa upotevu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mwasi anayesimama kwa yote wanayoitwa na Mungu. Ou qu'on adore. Ama wanayemwabudu. Qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Ambaye anaenda hadi kuketi ndani ya hekalu la Mungu. Se faisant passer lui-même pour Dieu. Akijifanya yeye mwenyewe kuwa Mungu. Ne vous souvenez-vous pas? Je, hamkumbuki? Que je vous disais cela? Ya kwamba nilikuwa nikiwaambia. Lorsque j'étais encore auprès de vous. Wakati nilipokuwa ningali tena karibu. Maintenant vous savez bien. Na sasa mnajua vizuri. Ce qui le retient. Ile inayomshikilia. Pour qu'il ne révèle pas, qu'il ne se révèle qu'à son temps. Ili asijifunue tu kwa wakati wake. Car maana Le mystère de l'iniquité agit déjà. Siri ya uovu inatenda sasa. Seulement celui qui les retient encore doit disparaître avant. Lakini ulamba na msikilia napaswa kutoweka mbele. Alors se révélera l'impie. Na sasa muovu ataonekana. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Ambaye Bwana ataharibu kupitia pumzi ya kinywa chake. Qui l'écrasera par l'éclat de son avènement. Na ambaye atavunja kupitia mwanga wa wakati wake. L'avènement de l'impie. Wakati wa muovu. Se produira par la puissance de Satan. Itaonekana kupitia uwezo wa shetani. Avec toutes sortes de miracles. Pamoja na kila aina ya miujiza. Des signes et des prodiges mensongers. Alama na ishara za uongo. Et avec toutes les séductions de l'injustice. Pamoja na uongo wote wa kukosewa haki. Pour ceux qui périssent. Kwa ajili ya wote wanaopotea. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Maana wakupata upendo wa ukweli kwa ajili ya kuokolewa. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Na Mungu anawatumia uwezo wa upotevu. Pour qu'ils croient au mensonge. Ili waamini uongo. Afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Ili kwamba wahukumiwe wote ambao kuamini kwa ukweli. Et qui ont pris plaisir à l'injustice. Na waliofurahia kukosewa kwa haki. Deuxième texte, Apocalypse chapitre 13. Andiko la pili kitabu cha Ufunuo 13. Du premier verset jusqu'au 22e verset. Mstari wa kwanza hadi 22. Nous allons lire cela à Swahili pour bien comprendre. Tutaisoma kwa lugha ya Swahili. Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi 22 tusome kwa jina la Yesu. Amen. Kisha nikaona nyama mmoja wa ajabu akitokea ndani ya bahari. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. Na juu ya kila pembe lake kulikuwa taji. Na juu ya vichwa vile kulikuwa kumeandikwa jina la kumtukana Mungu. Yule nyama niliyemuona alifanana na chui. Miguu yake ilikuwa kama ya dubu na kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba. Yule nyoka mkubwa akampa uwezo wake pamoja na kiti chake cha kifalme na mamlaka makubwa. Kimoja cha vichwa vya yule nyama kilionekana kwamba kilikuwa kimeumizwa vibaya sana, lakini kidonda kilichokuwa cha hatari ya kufa kilikuwa kimekwisha kupona. Na kwa hiyo watu wote wa dunia wakashangaa na kumfuata yule nyama, na wakaanza kumwabudu yule nyoka kwa sababu alimpa yule nyama uwezo wake. Vile vile wakamwabudu yule nyama wakisema, ni nani anayefanana na nyama huyu? Ni nani anayeweza kupigana vita naye? Yule nyama akapewa uwezo wa kusema maneno ya kiburi na ya kumtukana Mungu, naye akapewa mamlaka ya kufanya kazi yake kwa muda wa miezi 42. Basi yule nyama akaanza kumtukana Mungu, akatukana jina lake na makao yake na wale wanaokaa mbinguni. Akapewa ruhusa ya kupigana vita na watu wa Mungu na kuwashinda. Akapewa hata mamlaka ya kutawala watu wote wa kila kabila, kila jamaa, kila lugha na kila taifa. Wakaji wote wa dunia watamwabudu. Ndio wale wote ambao tangia kuumbwa kwa dunia majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa. Mwenye kuwa na masikio asikie. Mtu yule aliyekusudiwa kuwa mfungwa atafungwa. Na yule aliyekusudiwa kuuawa kwa upanga atauawa kwa upanga. Kwa sababu hiyo watu wa Mungu wanapaswa kuwa wavumilivu na wenye imani. Kisha nikaona nyama wa pili wa ajabu akitokea ndani ya udongo. Alikuwa na pembe mbili zinazokuwa kama za mwana kondoo. Naye alikuwa akisema kama nyoka mkubwa. Yeye alitumikisha mamlaka yote aliyopewa na yule nyama wa kwanza mbele yake. Alilazimisha vyote vinavyokuwa katika dunia pamoja na wakaaji wake kumwabudu yule nyama wa kwanza aliyekuwa na kovu la kidonda cha hatari. Yule nyama mkubwa wa pili alifanya kitambulisho kikubwa, hata akashusha moto toka mbinguni mpaka juu ya dunia mbele ya watu wote. Akawadanganya wakaaji wa dunia kwa njia ya vitambulisho alivyowezesha kuonyesha mbele ya yule nyama mkubwa wa kwanza. Aliwaambia watu wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule nyama aliyeumizwa kwa upanga, lakini aliendelea kuishi. Kisa yule nyama mkubwa wa pili akapewa uwezo na kupuliza pumzi ya uzima ndani ya sanamu ya yule nyama mkubwa wa kwanza, kusudi sanamu ile ipate kusema na kuweza kuua watu wasioiabudu. Na yule nyama akawalazimisha watu wote wadogo na wakubwa, watajiri na maskini, wanaokuwa huru na watumwa wapigwe chapa juu ya mikono yao ya kuume na juu ya paji ya nyuso zao. Na hakukuwa mtu aliyeweza kununua wala kuuzisha kitu pasipo kuwa na chapa ya jina la nyama yule au tarakimu zinazolingana na herufi za jina ile. Hapa inafaa kuwa na hekima. Yule anayekuwa na akili afafanue hesabu ya tarakimu zinazolingana na jina ya yule nyama, kwa maana tarakimu ile ni mtu fulani, nayo ni 666. Amina. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake hili. Je disais que nous voulons parler de l'église face à la marque de la bête. Nilikuwa nikisema kwamba tunatamani kuzungumza juu ya kanisa mbele ya chapa ya mnyama. Nous allons avoir 4 points. Mungu akisaidia tutazungumza juu ya nukta 4. Nous allons voir quelques questions que nous nous posons autour de cela. Tutaona maswali fulani ambayo tunajiuliza juu ya hiyo. Nous allons voir quelques réalités ou alors quelques vérités fondamentales. Tutaona ukweli wa msingi. Qu'il nous faut comprendre par rapport à ces chiffres mystérieux 666. Ambayo yapaswa tuelewe mbele ya hii hesabu ya hatari ya 666. Nous allons aussi voir quelques interprétations qu'il y a eu autour de ces chiffres. Tutaona matafsiri fulani ambao imekuwa kwenye hesabu hii. Et finalement nous allons voir quelle est la position de l'église face à tout cela. Na kwa mwisho tutaona ni nini nafasi ya kanisa mbele ya hii yote. Alors si nous parlons de ce thème, kama tunazungumzia mada hii, parce que nous sommes en train de parler de l'avenir du monde. Sababu tuko tunazungumzia ujao wa dunia. L'avenir du monde. Ujao wa dunia. J'aime quand nous avons lu dans les livres de Thessaloniciens. Napenda tuliposoma ndani ya kitabu cha Wathessaloniki. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema hivi. Que je vous ai dit ces choses. Ya kwamba niliwaambia mambo haya. À d'autres termes, cette église avait le temps dans la prophétie. Kwa maneno mengine kanisa hili lilikuwa na muda. Ils avaient le temps de revoir les signes des temps. Ilikuwa na muda wa kuangalia alama za nyakati. Ils avaient des enseignements sur ce qui devait se passer. Walikuwa na mafundisho juu ya ile ambayo ingepaswa kupitikana. Et vous savez, anasema mnajua, que l'impie ne peut pas opérer. Ya kwamba muovu hawezi kutumika. Vous savez que son esprit était déjà en train d'agir. Mnajua ya kwamba roho wake alikuwa anaanza kutumika tayari. Mais il ne peut pas opérer officiellement. Lakini hawezi kutumika hadharani. Parce que son temps n'est pas encore arrivé. Sababu muda wake haujafika. Et celui qui le retient est encore là. Na ambaye anamshikilia angali hapa. À d'autres termes, kwa maneno mengine, la venue et l'activité de celui que nous appelons Antichrist. Kuja na kutenda kazi kwa yule tunayemuita mpinga Kristo. N'est pas réglementé par lui-même. Haiongozwa na yeye mwenyewe. Il est soumis au calendrier de Dieu. Lakini anakuwa chini ya kalenda ya Mungu. Hallelujah. Amen. Il dit il faut que celui qui les retient soit parti. Anasema naomba naye mshikilia kuwa ameenda. En d'autres termes, si celui qui les retient ne veut pas partir. Kwa maneno mengine kama ule anayemshikilia atakwenda. Il ne peut pas opérer. J'aimerais que tu acclames Dieu. Nipende mshangilie Mungu. Même quand le diable opère. Hata wakati shetani anatenda. Ah, j'aime quand le Seigneur peut amener le diable. Napenda wakati Bwana anaweza kumleta shetani. À ses limites de créature. Anamleta kwenye mipaka yake. Quand le diable s'est révélé dans la vie de Job. Wakati shetani ali jifunua ndani ya maisha ya Yobu. Mungu angepaswa kumwambia. Touche tout. Uguse yote. Mais ne touche pas à sa vie. Lakini usiguse uzima wake. Je dis à quelqu'un qui est dans ce culte. Namwambia mtu aliye ndani ya ibada hii. Où que tu sois. Mahali pote ulipo. Réalise ce matin. Uone asubuhi ya leo. Que le Dieu que tu crois. Ya kwamba Mungu unayemwamini. Le maître de l'univers. Mkubwa wa ulimwengu. Il est au contrôle. Anaongoza. Et il est celui qui est capable d'arrêter l'activité du diable. Na ni yeye ndiye anaye uwezo wa kusimamisha kazi za shetani. Il est en mesure de donner une limite au diable. Na uwezo wa kumpatia shetani mipaka. Et même pour son église. Na hata kwa ajili ya kanisa lake. Il a prévu des limites. Ametayarisha mipaka. J'aime un passage dans la Bible. Napenda andiko moja ndani ya Biblia. Jésus parla de ce temps. Ambapo Yesu anapozungumzia wakati huu. Il dit ça sera des temps difficiles. Anasema itakuwa ni wakati mgumu. Et même les croyants pouvaient perdre la foi. Na hata waamini wangepaswa poteza imani yao. Mais à cause de Dieu. Lakini sababu ya il Mungu. Il va abréger ce temps. Atafupisha wakati huu. À d'autres termes, il contrôle même la limite dicte notre foi. Kwa maneno mengine anakuwa kitawala hata soit dans la joie yetu, tuwe ndani ya furaha, soit dans la paix, tuwe ndani ya amani. Le Dieu qui nous a sauvés, Mungu aliyetuokoa, il nous préservera, atatukinga. Acclame ce Dieu, shangilia Mungu. Il est huyo, le Dieu qui préserve son église. Yeye ni Mungu anayekinga kanisa lake. Ewe Mungu wangu, combien nous pouvons l'adorer. Namna gani tunapaswa kumwabudu. C'est un père responsable. Yeye ni baba anayeheshimu jukumu zake. Si le Seigneur ne mettait pas une limite, anasema kama Bwana hangeweka mpaka, même les justes perdraient la foi. Hata wenye haki wangelipoteza imani. Je suis dans la joie de l'adorer. Niko ndani ya furaha kumwabudu. Lui qui connaît même nos limites, hata yeye ambaye anajua mipaka yetu. Et la Bible dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Est-ce qu'il ne mérite pas l'adoration? Sois dans la joie. Toi qui as déjà dit à Jésus, je te reçois. Il te connaît. Il connaît même tes limites. Et il te préservera. L'apôtre Paul dit ceci. Les dieux qui vous a appelé Mungu aliyewaita aux bonnes œuvres, il mema, va vous préserver. Atawakinga, il va se rassurer atajihakikisha que vous accomplissiez ces bonnes œuvres. Ya kwamba mnatimiza matendo yema. Ce n'est ni par la chair, haiko kwa mwili, ni par la puissance, haiko kwa uwezo, mais c'est par son esprit. Bali ni kupitia roho wake. Encore une fois, nous allons dire, mara nyingine tutasema, il y aura des temps difficiles. Kutakuwa wakati mgumu. Il y a des temps difficiles. Kuna wakati mgumu duniani. Mais le Seigneur, lakini Bwana, qui a verset 60, ambaye alimwanga damu yake, il sait conserver anajua les résultats de son œuvre. Ile matokeo ya kazi yake. J'aime quand Jésus déclare, napenda Yesu anaposema, que je bâtirai mon église. Ya kwamba nitajenga kanisa langu. Je sais que le séjour de mort se lève. Najua ya kwamba milango ya hadezi ya simama. Je sais qu'il y a des occultistes. Najua pana wasuda. Je sais qu'il y a des démons. Najua pana mapepo. Mais je dis ceci, lakini nasema hivi, je bâtirai mon église. Nitajenga kanisa langu. Et le porte du séjour des morts. Na milango ya hadezi. Les entrées du séjour des morts. Milango ya hadezi. Les puissances du séjour des morts. Uwezo wa milango ya hadezi. Ne prévaudront point contre elle. Haitaweza kuyuzuru. Une église triomphante. Kanisa lenye ushindi. Qui est sous la grâce de Dieu. Ambayo yuko chini ya neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Et je suis en train de dire d'avance. Na niko nasema mbeleni. Que le temps que nous sommes en train de traverser et les temps qui sont prévus dans la prophétie, l'église a une sécurité, l'église a une position, l'église a un destin, l'église n'est pas une victime. Kanisa siyo mateka. Alléluia. Amen. L'église n'est pas une victime. Kanisa siyo mateka. Quelqu'un disait les églises sont fermées. Mtu mmoja kasema makanisa zinafungwa. Quelqu'un d'autre disait les pasteurs vont voir de toutes les couleurs. Mwingine akasema, il n'y a pas d'offrande. Wachungaji wataona rangi zote. Mais je me suis dit, lakini nikasema, Dieu n'est pas surpris par les événements. Mungu yeye hashangwazi na matukio. Dieu n'est pas débordé par les événements. Mungu yeye haishiwi na matukio. Dieu n'est pas perdant dans cette situation. Mungu apoteze ndani ya wakati huu. Je sais qu'à la sortie de ces confinements, il y a beaucoup de sportifs qui seront déjà inaptes. Mais les enfants de Dieu ont le temps de la solitude avec leur Dieu. Ils ont le temps de nouer de bonnes relations avec leur Seigneur. Et Dieu multiplie sa race. D'ailleurs, plus de beaucoup de siècles. Na miaka nyingi, depuis l'église primitive, tangu kanisa la kwanza, jusque même vers le 15e siècle, mpaka hata karne ya 15, l'église n'avait jamais eu de temple. Kanisa ilikuwa haija kuwa na hekalu. Pendant 15 siècles de la vie de l'église, muda wa karne 15 les chrétiens étaient dans les maisons, Wakristo walikuwa ndani ya dans les cimetières, walikuwa ndani ya makaburi. À cause de persécution, sababu ya ils pouvaient se cacher dans des tombes. Wangepaswa kujificha ndani ya makaburi. Souterrain pour aller prier dans des caves. Ya chini ili waende wakaombe chini ya mawe. Dieu n'a jamais été perturbé par l'isolement. Na Mungu haja shangazwa na kujificha. Au contraire, il est le gagnant de tout ce qu'il a prévu. Lakini yeye ndiye mshindi. Et donc nous avons besoin d'être calme, na tunapaswa kuwa na kimya. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que notre Père nous donne le pain quotidien. Tunayopaswa kuomba ni kwamba Mungu atupe chakula cha kila siku. Il y a chaque jour suffit sa peine. Anasema kwamba kila siku. Alléluia. Amen. Comment comprendre ce thème? Namna gani kuelewa mada hii? Quand on dit l'église face à la marque de la bête, nous voulons dire l'Église face à l'Antichrist. Tunatamani kusema kanisa mbele ya mpinga Kristo. Parce que la bête donnera sa marque. Sababu mnyama ataleta chapa yake. Qui est son nom? Ambayo ni jina lake. Qui est son chiffre? Ambayo ni hesabu yake. Et donc il est question de l'Antichrist. Na ni kusema hapa wanazungumzia mpinga Kristo. Quelle est la réalité de l'Église face à l'Antichrist? Ni ukweli gani wa kanisa mbele ya mpinga Kristo? Qu'est-ce que l'Église doit comprendre face à l'Antichrist? Kanisa yapaswa kuelewa nini mbele ya mpinga Kristo? Deuxièmement, c'est l'Église face au blasphème. Ni kanisa mbele ya matusi. Parce que à ce moment-là, sababu kwa wakati huo, à cette période, kwa wakati huo, de 666, ya 666, la Bible nous dit, Biblia natuambia, que la bête est remplie de blasphème. Ya kwamba huu mnyama anajaa na matusi ndani yake. La bête est remplie de insanités contre Dieu. Huu mnyama anajaa na matusi akimtukana Mungu. À d'autres termes, l'Église se situe où? Kwa maneno mengine, kanisa iko wapi? Dans cette période où Dieu est injurié officiellement. Kwa wakati huo ambao Mungu anakuwa akitukano hadharani. Où Dieu est défié officiellement. Wakati Mungu anakuwa akitukano hadharani. L'Église face à la marque de la bête veut aussi dire. Kanisa mbele ya chapa ya mnyama yamaanisha tena. L'Église face au fameux ordre mondial. Kanisa mbele ya uongozi ama utawala wa dunia. Aujourd'hui on nous parle de l'ordre mondial. Leo wanatuzungumzia utawala ama taratibu ya dunia. Il y a des présidents des pays. Na kuna marais wa nchi. Il y a des grands de ce monde. Kuna wakubwa wa dunia hii. Qui même sur le média parle de l'ordre mondial. Ambao hata kwenye media wanazungumzia juu ya utawala ama taratibu ya dunia. Quand ils parlent de cela, wanapozungumzia hiyo, ils parlent à terme organisationnel. Wanazungumza kama vile kikundi. Ils expliquent cela à terme de croissance des nations. Wanafasiria hiyo kama vile kukomaa kwa mataifa. À terme d'harmonie des nations. Kama vile kuwa na taratibu ndani ya mataifa. À terme d'évolution. Kama vile maendeleo. Pour faciliter la vie. Kwa ajili ya kurahisisha maisha. Quand on parle de l'espace Schengen par exemple. Wanapozungumzia na kwa mfano kama vile nafasi ya Schengen. Quelques pays européens. Kuna kuwa inchi fulani za Ulaya. Qui sont dans cette organisation. Ambazo ziko ndani ya kituo hicho. Essayez de se mettre ensemble. Na sinajiweka pamoja. D'avoir une même loi. Wanakuwa na sheria moja. D'avoir certains principes qui les unissent. Wanakuwa na kanuni zinazowa link zinazowa. C'est déjà une organisation. Na inakuwa ni ki. On voit l'Union africaine. Tunaona umoja wa Afrika. On voit les Nations unies. Tunaona umoja wa mataifa. Ce sont des organisations. Inakuwa ni vikundi. Qui dans leur évolution. Ambavyo ndani ya maendeleo yao. Peuvent arriver à dire. Vinaweza kufikia kusema. Mais on peut briser les frontières. Tunaweza kuvunja mipaka. On peut briser, je sais pas moi, les limites. Tunaweza kuondoa mipaka. On peut faciliter les commerces. Tunaweza kurahisisha biashara. Ça peut s'expliquer de manière logique. Na inaweza kufasiriwa. Mais au-delà de ce que l'on appelle ordre mondial. Lakini zaidi ya ile wanaoita utawala wa dunia. Il y a ce que je vais appeler ordre mondial dans le plan spirituel. Nitaongea kwamba kuna kitu wanaoita utawala wa dunia ndani ya ngazi ya kiroho. Il y a un ordre mondial qui arrive. Kuna utawala wa dunia kiroho unaofika. Qui sera au temps de l'Antichrist qui sera comme le président. Ambao itakuwa kwa wakati wa mpinga Kristo kama vile rais. Il va harmoniser le ciel et disons la terre. Ataweka taratibu ndani ya dunia. Autour de lui. Juu yake. En fait, le diable sera sur la terre. Na shetani atakuwa duniani. Le diable n'a pas encore atteint la terre. Shetani hajafikia dunia. Non. Hapana. Le diable agit. Shetani anatenda. De loin. Kwa mbali. C'est pourquoi la Bible parle de deux précipitations du diable. Na ndio maana Biblia inazungumzia juu ya kususwa mbili ya shetani. Quand le diable voulait prendre la place de Dieu. Wakati shetani litamani kuchukua nafasi ya Mungu. Il a été précipité. Alishushwa. Avec un tiers des anges. Pamoja na sehemu moja juu ya tatu ya malaika. Les anges déchus. Malaika walio. Mais la Bible dit. Kosa na Biblia inasema. Ce sont des principautés. Ni matawala. Des autorités. Ni mamlaka. Des esprits méchants. Inakuwa roho chafu. Dans le lieu céleste. Ndani ya mahali pa mbingu. À d'autres termes, le diable opère encore. Ni kwa maneno mengine shetani anatumika. Dans une sphère. Ndani ya anga. Que la Bible appelle le lieu céleste. Ambao Biblia inaita mahali pa mbingu. Mais dans l'Apocalypse. Lakini ndani ya kitabu cha Ufunuo. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Ils l'ont vaincu. Walimshinda. À cause du sang de l'agneau. Sababu ya damu ya mwana kondoo. Et à cause de la parole de leur témoignage. Na sababu ya neno la ushuhuda wao. Maintenant on dit ceci. Na wanasema hivi. Le diable est précipité Shetani anasuswa sur la terre duniani. Et il dit malheur à la terre et à la mer. Na kwa bahari. Là, c'est pour indiquer l'univers physique. Sa, hasa, apa ni kuonyesha ulimwengu la terre physique. Ni kuonyesha dunia ya kimwili. Où le diable va atterrir. Ambapo shetani atashukia et opérer. Na atatenda. Et nous voulons dire na tutasema, quelle sera la position de l'église itakuwa nafasi gani ya kanisa quand le diable s'installe sur la terre. Wakati shetani atakuja duniani. Et il manifeste ce que nous appelons la trinité diabolique. Na naonyesha ile ambayo tunaita utatu wa kishetani. Parce que vous voyez, il y a trois bêtes qui agissent. Sababu unaona kuna wanyama tatu wanaotenda. Il y a le dragon. Kuna kuwa dagoni ama qui va mkubo. Donner la force à la bête qui a la blessure. Amba atapatia nguvu kwa ule mnyama anayekuwa na kidonda. Et il y a la bête de la terre. Na kuna mnyama wa dunia. Qui va investir la bête qui a été guérie de sa blessure. Ambaye atamchimika ule mnyama ambaye amepona ndani ya kidonda chake. Trinité satanique. Hii inakuwa ni utatu wa kishetani. Quand nous parlons de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tunapozungumzia Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Le diable va manifester cette trinité là. Et ça sera sur la terre. Na itakuwa duniani. Et quand il va manifester cela, na atakapoonyesha hiyo, il va le matérialiser par le 666. Atakuwa akiweka kupitia où se trouve l'église à ce moment-là? Kanisa itakuwa wapi kwa wakati huo? Que fait l'église à ce moment-là? Kanisa inafanya nini kwa wakati huo? Quelle est la position de l'église à ce moment-là? Nafasi ya kanisa kwa wakati huo ni gani? Quand nous parlons de l'église face à la marque de la bête, tunapozungumza kanisa mbele ya chapa ya mnyama, nous parlons donc du chrétien tient dans un monde contrôlé totalement par le système du diable. Tunazungumzia mkristo ambaye anakuwa mbele ya ulimwengu ambao unaongozwa na uongozi wa shetani. Mais aussi nous parlons du temps. Lakini tunazungumzia wakati. Où la grâce rentre en Israël. Ambapo neema inarudi pa Israeli. Très important. Ya muhimu sana. L'apôtre Paul quand il exhorte aux Romains. Mtume Paulo anapowahubiri Warumi. Il dit aux Romains. Anawaambia Warumi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec la grâce. Musicheze na neema. Ne méprisez pas la grâce. Musizarau neema. Parce qu'il y aura un temps. Mana patakuwa muda. Où la grâce retournera là où elle est venue. Ambapo neema itarudi mahali ilipotoka. Vous savez quand Jésus a rencontré la femme samaritaine. Najua Yesu alipomkutana mwanamke msamaria. Il a dit à la femme. Akamwambia mwanamke. Quand elle était en train de discuter, alipokuwa kibishana naye. Elle dit, mais vous le juif, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Anasema nyinyi wa Yahudi mnasema ya nous les Samaritains nous adorons sur cette montagne. Na sisi wa Samaria tunabudu kwenye mlima huu. Jésus dit à la femme. Na Yesu anamwambia mwanamke. Mais ce que tu dois savoir. Unayopaswa kujua. Quel que soit tes sentiments. Ijalishi hisia zako. Par rapport à Israël. Kufuatana na Israeli. Sache. Ujue ya kwamba. Que le salut vient. Maokovu yatoka kwa Wayahudi. Et il dit aux Romains maintenant. Na nawaambia Warumi. Il dit vous devez savoir. Anasema mwapasha kujua. Que les Juifs ont été humiliés pour un temps. Ya kwamba Wayahudi walizarauliwa kwa wakati. Ils ont été rabaissés par rapport à la grâce. Walishushwa kufuatana na neema. Ils ont été ils ont connu une chute par rapport à la relation avec Dieu. Walianguka kufuatana na uhusiano wao pamoja na Mungu. Mais c'est leur chute. Lakini ni kuanguka kwao. Qui vous donne la grâce? Ndio anayowapatia neema hii. Mais sachez. Lakini jueni. Que la feuille de l'olivier devra rentrer à sa place. Ya kwamba ile majani ya mti wa mizeituni tarudi kwa nafasi yake. Na kutakuwa mda. Où le Dieu d'Israël. Ambapo Mungu wa Israeli. Revêtira la peau du Dieu d'Abraham. Atavaa ngozi ya Mungu wa Abraham. Ça sera déjà la fin des temps de l'église. Itakuwa mwisho wakati wa kanisa tayari. Et Dieu sera en train de rentrer. Na Mungu atakuwa kirudi. Jean chapitre 1 le verset 10-11. Yohana sura moja mstari wa 10 na 11. La Bible dit Jésus. Biblia nasema Yesu. Est venu chez le sien. Alikuja kwa walio wake. Jésus est venu chez les Juifs. Yesu alikuja kwa Wayahudi. Et il pouvait dire. Nangepasha kusema. Jésus est venu pour sauver les brebis égarées d'Israël. Nilikuja kuwaokoa kondoo waliopotea wa Israeli. Les siens ne l'ont point reçu. Lakini anasema walio wake hawakumpokea. C'est pourquoi il s'est tourné vers tout le monde. Ndio maana akawageukia watu wote. Pour sauver quiconque est prêt. Kwa ajili ya kuokoa yote aliyetayari. Lakini patakuwa. Où il va revenir. Ambapo atarudia. Pour récupérer Israël. Kwa ajili ya kuchukua Israeli. Un peuple prophétique. Ile inchi ama taifa la haki. Parce que Dieu ne rejette pas ses serviteurs. La unabii. Maana Mungu hawatupilie watumishi wake. Israël a servi le Seigneur. Israeli imemtumikia Bwana. Et Dieu rentrera. Na Mungu atarudi. Dieu rentre en Israël. Ni wakati Mungu atarudia Israël. Quand Dieu devient le Dieu d'Israël. Wakati Mungu atakuwa tena Mungu wa Israël. Que la marque va agir. Ndipo sasa hii chapa itatenda. Et je vais expliquer dans le point suivant. Na nitaifasiria kwa nukta zinazofuata. Quelles sont les questions qui nous intéresse. Ni nini maswali ambayo tunaitazama. Nous avons trois questions. Tuna maswali tatu. La première question. Swali la kwanza. Qu'est-ce qui attend le monde après l'église? Nini nangoja dunia kisha kanisa? Parce que l'église, sababu kanisa, va connaître la fin. Itafikia mwisho wake. Par rapport à la terre, kufuatana na dunia, le jour de l'enlèvement, siku ya kunyakuliwa. L'apôtre Paul nous dit, mtume Paulo anatuambia, un signal donné, kwa wakati uliowekwa, à la voix de l'archange, kwa sauti ya malaika, au son de la trompette, kwa sauti ya baragumu, nous, le Seigneur descendra. Bwana atashuka. À ce moment-là, il ne piétine pas la terre. Na kwa wakati huu hakanyage dunia. Il dit ceux qui sont morts à Christ. Anasema waliokufa ndani ya Kristo. Ressusciteront. À d'autres termes, les païens kwa maneno mengine, qui sont morts depuis tous les siècles ambao walikufa vont rester dans les tombes. Watabaki ndani ya makaburi. Seulement les croyants lakini ni waamini vont être enlevés. Ambao watanyakuliwa. Et ceux qui seront vivants na watakaokuwa wako hai vont être pris. Watachukuliwa. Et ils seront enlevés na watanyakuliwa pour rencontrer le Seigneur Wajiri dans les airs. Ya kukutana Bwana la rencontre se fait dans les airs. Mkutano unafanyika ndani. Et là on parle des noces de l'agneau. Wanazungumza juu ya karamu ya mwanakondoo ambao itafanya miaka saba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La vie continue sur la terre. Maisha inaendelea kama kawaida duniani. C'est là que Jésus dit. Na hapo Yesu ndipo anasema. Deux qui seront au lit. Wawili watakuwa kitandani. Mmoja atachukuliwa na mwingine atabaki. Les deux qui seront en train de moudre. Wawili watakuwa wakitandani. Mmoja atachukuliwa na mwingine atabaki. C'est un événement qui se passe. Inakuwa tukio unaopitikana. Kwa ghafla l'église disparaîtra. Na kanisa itatoweka. Et là, na hapo sasa, c'est la fin inakuwa ni mwisho de la mission de l'église wa kazi ya kanisa sur la terre. Hapa duniani. L'église entre déjà kanisa inaingia tayari dans le monde de son Dieu. Ndani ya ulimwengu wa Mungu wake. Dans le monde spirituel. Ndani ya ulimwengu wa kiroho. L'église est transformée. Kanisa inabadilishwa. Avec un corps pamoja qui est nouveau. Na mwili ambao ni mpya. Ceux qui sont vivants ont été transformés. Walio hai walimebadilishwa. Ceux qui étaient morts ont été ressuscités avec un corps de gloire. Wamefufuka pamoja na mwili wa utukufu. Il ne faut pas rater ça. Na hiyo mbo ukose hiyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si tu es de ceux qui seront vivants, kama uko, alors il faut la transformation. Wala ambao watakuwa hai, naomba mabadiliko ya mwili. Alors qu'est-ce que le monde va devenir? Sasa ulimwengu itakuwa nini? Parce que après l'enlèvement, sababu kisha le monde va continuer. Ulimwengu itaendelea. Le monde va continuer. Dunia itaendelea. Les gens seront en train d'aller au marché. Watu wataenda sokoni. Les enseignants distraits seront en train de donner cours. Walimu ambao wanazubao watakuwa wakifundisha. Et je suis sûr que les chrétiens qui ne sont pas de pied dans le Seigneur. Na hakikisho ya seront à l'église. Ce qui est très grave. Ce qui ne se rendront pas compte qu'il y a des gens qui ont disparu et qui sont partis. Je crois qu'ils essaieront d'organiser un culte. et parce qu'il y aura la rébellion, ils vont oublier même que le pasteur n'est pas là. Ils vont s'organiser. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la réalité spirituelle, c'est que ces gens n'ont plus la conscience de l'esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu ni roho wa Mungu qui nous aide même à reconnaître que Dieu. Jésus a dit, Yesu kasema, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est celui-là qui vous rappellera mes enseignements. C'est celui-là le Saint-Esprit qui va vous convaincre, qui va convaincre le monde du péché et du jugement. Quand l'esprit qui convainc n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui disent, moi je verrai. Kuna watu wanaosema mimi je ne peux pas ni je vais refuser la marque. Ah, mimi siwezi. Mais tu auras quelle force? Utakuwa na nguvu gani? Wakati upako ipo. Quand les hommes de Dieu sont là. Wakati watu wa Mungu wako. Tu refuses de croire. Unakataa kuamini. Tu auras quelle force? Utakuwa na nguvu gani wewe? Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. La deuxième question. Swali la pili. C'est quel rapport il y a? Ni uhusiano gani unao? Entre la marque de la bête. Kati ya chapa ya mnyama. Et l'église. Na kanisa. Parce qu'aujourd'hui on voit. Sababu leo tunaona. Sur les médias. Kwenye media. Quelqu'un avec une grosse Bible. Kwenye mitandao mtu anakuwa na. On a écrit sur son front 666. Na wameandika kwenye uso wake 666. Ah, qu'est-ce qui se passe? Nini yapitikana? On veut simplement dire. Wanatamani tu kusema. que la marque est là, ya kwamba chapa imefika tayari. L'église est affectée, kanisa inaguswa. Il y a ceux qui ont la marque de la bête dans l'église. Wale wanakuwa na chapa ya mnyama kanisani. Mais c'est quel rapport? Hii na uhusiano gani? Qu'est-ce qu'il y a entre l'église et la marque? Kuna nini kati ya kanisa na hii chapa? La troisième question. Swali la tatu. Quelle est la position de l'église? Nini nafasi ya kanisa? Où se situe l'église? Kanisa inakuwa wapi? Pendant qu'il y a la marque de la bête ou le temps de la bête. Wakati kuna kuwa chapa ya mnyama ama wakati wa mnyama. Alors voici quelques vérités que nous devons retenir. Sasa tazama ukweli fulani ambao sharti tuushike. La Bible nous montre premièrement que la marque appartient à la bête. Biblia inatuonyesha kwanza ya kwamba chapa ni ya mnyama. La marque est là pour imposer l'adoration de la bête. Chapa iko hapo kwa ajili ya kushurutisha mabudu ya mnyama. La marque c'est le mystère pour réguler le système de la bête. Chapa inakuwa siri kwa ajili ya kuongoza hii utawala wa mnyama. C'est comme l'identification à cet ordre là satanique. Ni kama vile kujitambulisha kwa hii utawala wa shetani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nini napaswa kuelewa? Quand nous lisons dans les livres de l'Apocalypse, tunaposoma ndani ya kitabu cha Ufunuo, la Bible nous présente la bête. Biblia inatuonyesha mnyama. On dit qu'il y a une autre bête. Wanasema kwamba kuna mnyama mwingine. Qui va se lever de la terre. Ambaye atasimama toka dunia. Et qui va imposer la bête. Na ambaye atamshurutisha. Qui était monté de la mer. Ule mnyama ambaye alitoka ndani ya bahari. Et il dit que tous les habitants de la terre. Wanasema kwamba wakaaji wote wa dunia. Devront se soumettre. Wanapaswa kutii. La Bible dit ceci au verset 15. Biblia inasema hivi kwenye shairi la 15. Il lui fit donner. Akapewa. D'animer l'image de la bête. Mamlaka ya kuwa ndani ya mnyama. Afin que l'image de la bête parle. Ili picha ya mnyama iende ka seme. Et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosternent pas devant l'image de la bête. Naende ka wauwe wote ambao waabudu hiyo sanamu ya mnyama. Elle fait que tout. Na nafanya kwamba yote. Les petits et les grands. Wakubwa na wadogo. Les riches et les pauvres. Matajiri na maskini. Les hommes libres et les esclaves. Walio huru na watumwa. Reçoivent une marque sur la main droite. Wapokee chapa kwenye mkono wa kuume. Ou sur le front. Ama kwenye uso. Et que nul ne puisse acheter ni vendre. Na kwamba pasiwe mtu atakayeuza ama sans avoir la marque. Bila kuwa na chapa. Le nom de la bête. Jina ya mnyama. Ou le chiffre de la bête. Ama hesabu ya mnyama. Il y a le nom de la bête. Kuna jina ya mnyama. Le chiffre de la bête. Kuna hesabu ya mnyama. La marque de la bête. Na kuna chapa ya mnyama. Qui sont intégrés dans ces chiffres 666. Ambazo zinakuwa ndani ya hii hesabu ya 600. Parce que au verset 18 la Bible dit ceci. Sababu kwa shahili la 18. C'est ici la sagesse. Ni hapa ndipo kupana. Que celui qui est intelligent. Anayekuwa na akili. Calcule le chiffre de la bête. Andaka hesabu hii hesabu ya mnyama. C'est un chiffre d'homme. Ni hesabu ya mtu. Et ce chiffre est 666. Na hesabu yake ni 666. La marque c'est la bête. Chapa ni nyama. C'est le nom de la bête. Ni jina la mnyama. C'est la marque de la bête. Ni chapa ya mnyama. C'est l'identité de la bête. Ni kitambulisho cha mnyama. Adoptem, ça sera une identification de la bête dans la vie de ses adorateurs. Kwa maneno mengine itakuwa ni kitambulisho cha mnyama ndani ya maisha ya wanaoabudu. Ukweli wa pili. C'est que la marque de la bête. Ni kwamba chapa ya mnyama. C'est une identification officielle. Inakuwa inajionyesha hadharani. Chacun doit s'identifier. Kila mmoja anapaswa kujitambulisha. Confirmer. Anahakikisha. Que j'appartiens à la bête. Ya kwamba mimi ni wa mnyama. J'aimerais dire à quelqu'un. Ningependa nimwambie mtu. Quelle est ton identité? Utambulisho wako ni gani? Ce qui attend le monde bien-aimé dans le Seigneur. Ngoja dunia wapendwa ndani ya Bwana. Si je dois répondre à la première question. Kama napaswa kujibu dunia. Ce qui attend le monde. Inayongoja dunia. Après l'enlèvement de l'église. Kisha kunyakuliwa kwa kanisa. C'est une identification officielle au satanisme. Ni kujitambulisha hadharani kuwa wa shetani. Aujourd'hui il y a des petits sorciers. Leo kuna wachawi wadogo. Qui viennent à l'église. Et qui portent les habits d'agneau. Ils ne veulent même pas dire que leur père c'est Satan. Ça n'a pas commencé avec vous. Ça a commencé depuis les Juifs. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 44. Il y a un débat houleux entre Jésus et les pharisiens. Jésus dit ceci. Si le fils de l'homme vous affranchit. Kama mwana wa mtu anawaweka huru. Vous êtes réellement. Utakuwa huru kweli. Ils disent, mais nous, nous ne sommes pas des esclaves. Nous avons Abraham pour père. On n'a jamais été des esclaves. Jésus dit, vous êtes des esclaves. Et vous avez besoin d'être libres. Il dit, non. Nous, notre père, c'est Abraham. Jésus dit, non. Abraham ne peut pas faire ce que vous faites. Abraham a wezi kufanya ile mnayoifanya. Votre père baba yenu s'appelle le diable. Anaitwa shetani. Parce qu'il est le père des maçons. Sababu yeye ni baba wa uongo. Vous voulez menacer Jésus. Ils étaient fâchés. Kumshambulia Yesu walikuwa wamekasirika. Je m'étonne aujourd'hui. Nashangaa leo. Tout le monde veut qu'on l'appelle chrétien. Kila mtu anataka wamuite mkristo. Alors qu'il ne croit pas au Seigneur Jésus. Japokuwa hamwamini Bwana Yesu. Même ceux qui sont dans des loges. Hata wale ambao wanakuwa na kanisa. Ils meurent, ils organisent quand même des cultes. Wanapokufa wanatayarisha ibada. Et ils veulent que des hommes de Dieu viennent prier. Wanapenda watu wa Mungu wakuje hapa. Les chantres sont là. Waimbaji wako hapo. On essaie de faire un témoignage. Tunapima kufanya ushuhuda. On essaie d'harmoniser. Celui qui est noir, on essaie de le rendre blanc. Ces histoires-là vont s'arrêter. Il y aura un temps où le diable va dire, si tu m'appartiens, tu m'appartiens et tu dois le témoigner. Voilà ce qui attend le monde. Il faudra que celui qui est de Satan le dise légalement, officiellement et au grand jour. Na kwa siku kubwa. Hallelujah. Amen. Mais toi, tu ne seras plus là. Lakini wewe utakuwa hauko tena. Si tu as crié au Seigneur Jésus. Kama umemwamini Bwana Yesu. Tu ne verras pas ces choses. Hautaona mambo hayo. Hallelujah. Amen. La troisième chose. Jambo la tatu. C'est que la marque se révèle maintenant. Ni kwamba hii chape inajifunua. À trois temps. Kwa wakati tatu. Parce que quand nous lisons. Wakati tunaposoma. Surtout les médias. Vous savez aujourd'hui une grande bataille que nous avons. C'est que nous sommes emballés par le média. Et nous avons abandonné ce qui fait notre force. La parole de Dieu. Les médias nous disent des choses. Et les médias nous contrôlent. Aujourd'hui les occultistes peuvent même changer la Bible. Wanaweza hata kubadilisha Biblia. Au travers les iPad, les téléphones, ils nous mettent des Bibles qui ne sont pas vraies. Qu'est-ce qu'on va faire? Simu tunazo, wanatuwekea Biblia ambazo. C'est pourquoi il faut avoir l'esprit de la vérité. Na ndio maana yaomba uwe na roho wa ukweli. Parce que c'est cet esprit qui nous révèle la vérité. Sababu ni roho huyo ambaye anatufunulia. Mais le monde est déjà sous le contrôle de l'ennemi. Lakini ulimwengu umeshakuwa chini ya utawala. Il contrôle les médias et tout. Na anaongoza mitandao na yote. Hallelujah. Amen. Alors on doit dire tunapaswa kusema quand et comment le 666 se révèle. Namna gani na wakati gani hesabu ya 666 se révèle dans trois temps. Inajifunua kwa wakati tatu. Trois temps. Wakati tatu. Et si nous comprenons le trois temps, na tukielewa wakati tatu, ça sera bien. Itakuwa vizuri. Revenons à ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Turudi kwa ile ambayo mtume Paulo anasema. Il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Anasema mwasi anayesimama juu ya yote. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Atenda hata kuketi ndani ya hekalu la Mungu. Pour se faire passer pour Dieu. Kwa ajili ya kujifanya kuwa Mungu. Et maintenant vous savez bien. Na sasa mnajua vizuri. Ce qui le retient. Inayomshikilia. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 3? Que personne ne vous séduise. Car il faut auparavant que l'apostasie soit venue. Avant même l'impie, il y a l'apostasie qui doit arriver. Et avant, après ça, c'est maintenant l'impie qui arrive, ni sasa muovu atakayefika, qui va opérer ambaye atatumika, dans deux saisons. Ndani ya wakati mbili. La saison de paix ndani ya wakati wa amani, et la saison de trouble. Ndani ya wakati wa mateso. C'est pendant la saison de trouble, la deuxième wakati saison, wa mateso, makubwa wa wakati wa pili, qu'il va chercher à aller s'asseoir au temple. Ndipo atatafuta kwenda kuketi ndani ya hekalu. Et c'est là que la marque intervient dans la troisième saison. Na hapo ndipo sasa chapa inaonekana kwa wakati wa tatu. La marque de la bête. Kwa maneno mengine chapa ya mnyama. Agit à trois temps. Inatenda kwa wakati wa tatu. Au temps de l'église, il y a une certaine influence de la marque de la bête. Kwa wakati wa kanisa kuna ushawishi fulani wa hii chapa ya mnyama. Comme nous avons dit hier et avant-hier. Kama tulivyosema jana na juzi. Les jugements de Dieu au plusieurs temps. Vous voyez, quand la Bible nous a parlé, par exemple, vous attendrez des guerres et des bruits de guerre. Unaona kama Biblia inavyotuambia mnaposikia vita na matetesi ya vita. Mnaposikia majanga. Il y a des épidémies qui sont prévues avant l'enlèvement de l'église. Kuna majanga ama magonjwa ambayo yanatayarisha mbele ya kunyakuliwa kwa kanisa. Il y a les épidémies prévues après l'enlèvement de l'église. Na kuna majanga ambayo yanatayarishwa kisha kunyakuliwa kwa kanisa. Donc il y a comme une reflet de ce qui se passe. Ni kama vile kuna kuwa mtazamo ya ile ambayo inapitikana. Au temps de l'église. Kupitia wakati wa kanisa. Je veux dire la marque est présente, nitasema hii chapa ya mnyama iko, mais pas effective comme à la dernière saison. Lakini hapana kuonekana sana kama kwa wakati wa mwisho. Qu'est-ce que la Bible révèle? Biblia inafunua nini? La Bible dit que la marque, Biblia inasema kwamba chapa, sera mis sur la main, itawekwa kwa mkono, et sur le front, na kwenye uso. Vous devez avoir la marque, na unapaswa kuwa na chapa, sur la main droite, kwenye mkono wa kuume, ou sur le front, ama kwenye uso. Qu'est-ce que ça veut dire? Hii yamaanisha nini? Ce n'est pas un chiffre nécessairement. Aiko tu hesabu. Mais c'est la marque de la bête. Lakini inakuwa chapa ya mnyama. Quand je reviens à Israël, ninaporudi kwa Israeli, Israël avait environ 4 marques avec Dieu. Israeli ilikuwa na chapa ine pamoja na Mungu. La première marque c'était la marque de l'alliance. Chapa ya kwanza ilikuwa ni chapa ya agano. Cette marque était la circoncision. Na chapa hiyo ilikuwa ni kutahiriwa. Dans leur corps. Ndani ya mwili wao. C'est-à-dire c'était visible. Yamaanisha ilikuwa inaonekana. C'était corporel. Ilikuwa ya mwili. Mais au-delà de cette marque là. Lakini zaidi ya chapa hiyo. Dieu leur dit dans Deutéronome. Mungu anawaambia ndani ya kitabu cha Kumbukumbu. Vous allez avoir comme marque. Anasema mtakuwa kama chapa. Dans vos cœurs et sur vos mains. Ndani ya mioyo yenu na kwenye mkono wenu. Les lois de Dieu. Sheria za Mungu. Est-ce que Dieu disait que vous devez écrire les lois sur votre front ou sur votre? Je Mungu alisema kwamba mnapaswa andika sheria kwenye uso wenu na kwenye mkono wenu. Il voulait simplement dire. Alitamani kusema. Que vous devez agir. Ya kwamba mnapaswa kutenda. Poussé par la loi. Mkisukumwa. Conformément à la parole. Kufuatana na neno la Mungu. À d'autres termes. Kwa maneno mengine. Vous devez avoir. Mnapaswa kuwa. À appliquer. Na kutimiza. Mes ordonnances. Maagizo yangu. Ça sera une marque. Itakuwa ni chapa. Il dit dans vos pensées. Vos pensées doivent m'adorer. C'est là même que la Bible dit. Tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. À d'autres termes, la marque de Dieu n'était pas seulement une circoncision, mais c'était une idéologie. C'était une mentalité. C'était une façon de voir les choses. Dans notre temps ici, le diable agit. Ou 666 est révélé à terme de philosophie, les pensées des hommes et les actions des hommes. Les hommes agissent selon les directives, na mielekeo, selon kufuatana, les orientations des courants philosophiques. Na mielekeo ya hii chama yote ya mafikara. Et c'est comme ça que la marque agit dans ces temps. Na ni hivyo ndivyo mnyama anatenda kwa wakati. Dans la deuxième saison, ndani ya wakati wa pili, l'église sera déjà enlevée. Kanisa itakuwa imenyakuliwa tayari. Mais Israël, lakini Israeli, va accompagner la bête. Itasindikiza mnyama. Pendant 3 ans et demi. Muda wa miaka 3. Comment se manifeste 666 à ces temps-là? Namna gani hesabu 666? C'est la séduction. Wakati huo inakuwa ni udanganyifu. La Bible dit il fera beaucoup de miracles. Biblia inasema atafanya miujiza nyingi. Il va amener la paix partout. Ataleta amani mahali pote. Il va stabiliser l'économie. Na ata uleta ustawi wa uchumi. Parce que c'est une bête. Maana ni mnyama. Qui monte de la mer. Ambayo inapanda toka baharini. La Bible dit j'ai vu une bête. Biblia inasema nikaona mnyama. Qui montait de la mer. Aliyepanda toka baharini. Et quand cette bête là est venue. Na wakati mnyama huo alipofika. La bête avait une blessure. Mnyama alikuwa na kidonda. À d'autres termes. Kwa maneno mengine. La bête a aussi 3 saisons. Mnyama anakuwa na wakati tatu. Il y a la saison où la bête a été dans la vie. Kuna wakati ambapo mnyama ilikuwa ndani ya maisha. S'est battu. Ilipigana. Elle a eu une blessure. Na ikapata kidonda. C'est le temps. Ni wakati. Où des empereurs romains. Ambapo wafalme wa Roma. Pouvaient s'appeler de Dieu. Wangepaswa kujiita wa Mungu. Pouvaient même aller. Wangepaswa enda. Jusque dans les temples. Mpaka hata ndani ya hekalu. Nous voyons l'homme comme Romulus. Tunaona mtu kama Romulus. Il y a même ceux qui ont essayé de calculer les chiffres. Kuna wale ambao walipima hata kuhesabu. Et ils disaient Romulus. Na wakasema Romulus. Le fondateur de Rome. Ambaye alikuwa alianza. Son nom, la sommation de son nom donne 666. Jina lake linapana hesabu ya 666. Ce sont des lettres qui ont qui sont calculables. Wanapo hesabu sababu inakuwa ni Nero qui s'est levé. Kuna Nero ambaye alisimama. Quand on calcule les chiffres de Nero. Una wanapo hesabu la sommation donne aussi 666. Inapana nayo hesabu ya Nero c'est l'homme qui a détruit le temple de Jérusalem. Nero ni mtu aliyeharibu hekalu la Yerusalemu. Et qui s'est fait appeler Dieu. Na ambaye alijiita kuwa Mungu. Au temps de l'église on a cru que c'est lui l'antichrist. Na kwa wakati wa kanisa walifikiria kwamba yeye ndiye Mungu. Mais c'était le temps où la bête est en train d'essayer de se lever. Lakini ni wakati ambapo mnyama alikuwa dans le système des nations. Ndani ya utawala wa mataifa. Et il n'a pas réussi. Lakini hakuweza. Mais maintenant la bête est comment? Lakini sasa la Bible dit je vis une bête. Biblia inasema niko na mnyama. Qui avait la gueule du lion. Ambaye alikuwa na kinywa ya simba. Les pattes de l'ours. Alikuwa na miguu ya dubu. La tête de c'est pas de léopard. Na kichwa chake kilikuwa kama kichwa cha chui. En d'autres termes, une bête terrible. Kwa maneno mengine ilikuwa ni mnyama wa hatari. Quand vous voyez cette bête, unapoona mnyama huo. C'est exactement ce que Daniel 2 nous dit. Ni ile ambayo kitabu cha Daniel 2 inatuambia. Les successions de royaume inakuwa kufuatana kwa mafalme. Qui est révélé dans Daniel 7. Ambayo inaonyeshwa ndani ya kitabu. Les bêtes qui sont révélées. Manyama ambazo zinafunuliwa. Babylone c'était le lion. Babylone ilikuwa ni simba. Les Grecs c'était le léopard. Ugriki ilikuwa ni chui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Les Perses c'était l'ours. Wa Peresi ilikuwa ni dubu. En d'autres termes, la bête qui monte de la mer. Kwa maneno mengine ule mnyama anayepanda. C'est le système du monde des ténèbres. Ilikuwa inakuwa ni utawala wa ulimwengu. C'est un homme qui viendra des nations. Ni mtu ambaye atatokea toka mataifa. C'est un homme politique. Ni mtu wa siasa. Un homme militaire. Ni mtu wa ambaye ni askari. Diplomate. Atakuwa ni mtu wa ubalozi. Il peut venir dans les organisations de paix. Anaweza kuja ndani ya vituo vya amani. Entrer par l'organisation de nations qui sont en train de s'unir. Soyez assurés. L'antichrist qui proviendra des organisations politiques et diplomatiques. Mais la Bible dit quand il s'est levé, il avait une blessure. Et le dragon va lui donner la force. Il va faire des miracles. Trois ans et demi. Mais là, il n'a pas un témoin. Et la Bible dit il y a eu une autre bête qui est montée maintenant de la terre. Dans la prophétie biblique, la terre c'est l'image de l'église. Je veux dire de l'espace de l'homme. C'est pourquoi la deuxième bête sera un homme religieux. Il proviendra de l'église. Je ne sais pas s'il sera un bishop ou un cardinal ou un pape. Mais ça sera un homme religieux et il a un grand pouvoir et il va commencer à demander aux gens d'adorer la bête. Parce que celui qui doit introduire la bête dans l'église, c'est l'homme du sacerdoce. Donc il y a trois temps de la bête qui montre les trois temps de son signe. Le premier temps c'est de philosophie, l'idéologie. Et aujourd'hui nous avons des idéologies du 666, l'enseignement de l'ennemi, la philosophie de l'ennemi qui conduit les agissements des hommes. Dans le deuxième temps, c'est une séduction qui va même prendre Israël. Dans le troisième temps, c'est un signe que l'on doit porter. Et quand on le porte, on doit assumer. Ces signes, c'est un pouvoir. Si vous n'avez pas ces signes-là, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. C'est donc d'abord un pouvoir. Hallelujah. Amen. C'est un pouvoir. Ni mamlaka. Oh, wow. Je ne sais même pas qu'est-ce que je dois dire. C'est un pouvoir. Ni mamlaka. C'est une capacitation. Inakuwa ni uwezo. On a donné plusieurs interprétations au tatouage. Wamepana mafasirio nyingi des chiffres, on a même pris des noms. Ni hesabu majina. Ce qu'il faut retenir que c'est une identification. Ila ambayo unapaswa kujua ya kwamba ni kitambulisho. Qui doit être aussi spirituel. Unapaswa kuwa kiroho kwanza. Hallelujah. Amen. Le temps nous presse, mais je vais conclure à disant ceci. Muda ni mfupi lakini nitamalizia nikisema hivi. Je veux dire quelle est la place de l'église dans tout ça? Nafasi ya kanisa ni gani ndani ya hii yote? L'église n'est pas une victime. Kanisa sio mateka. L'église c'est le corps de Christ, kanisa ni mwili wa Christ qui ne sera pas présent pendant ce temps où le 666 va se révéler dans les deux derniers moments. Ambapo hii hesabu ya 666 la Bible dit, souvenez-vous du temps de Noé. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et faisaient tout jusqu'au jour du déluge. Remarquez que quand Noé est entré dans l'arche, il a manifesté quelque chose. C'est que les eaux qui jugeaient le monde, les eaux qui tuaient les hommes, c'était les mêmes eaux qui élevaient l'arche. Et les eaux ont déposé l'arche sur le mont Ararat. Les gens mouraient dans les eaux, mais l'arche allait vers le mont Ararat. C'est ça la position de l'église. Quand Dieu sera en train de juger la terre, quand le diable sera en train d'opérer sur la terre, l'église sera en train de monter sur la montagne, d'élever l'adoration vers le Seigneur. Et je dis à tout et chacun, tout jugement que Dieu a à voir sur la terre élève l'église. Aucun jugement sur la terre ne mettra l'église à genoux. Tout jugement élève l'église. Tout jugement amène la différence. La Bible dit ce qui arrivera au temps de Lot arrivera au temps du Fils de l'homme. Quand Lot était à Sodome, oh, le feu ne pouvait pas descendre. J'ai dit à l'église, il n'y a aucun jugement destructeur qui arrivera sur la terre tant que nous sommes là. Ce sont des signes précurseurs, ce sont des jugements précurseurs, mais les grands jugements arriveront quand Lot sort de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui l'église c'est Lot. Tant que nous sommes sur la terre, nous retenons l'impie, nous retenons les jugements. Il y a des jugements qui peuvent arriver et ça nous aide à annoncer l'évangile. Mais il y a des jugements qui arrivent sur la terre et les hommes subiront la colère de Dieu et l'église sera sur la montagne. Lot devait courir vers la montagne de Toa. Et nous voulons dire que quand l'église va être enlevée, c'est là que l'antichrist sera. Voilà. Il y a ceux qui pensent que l'antichrist est déjà en train d'opérer, il est né, je ne sais pas, tel pas. Je ne sais pas, mais la Bible me dit qu'il ne peut pas opérer officiellement pendant que l'église est là. Si tu es membre de l'église, tu vas acclamer le Seigneur. Il y a une vie qui est sur la terre parce que l'église est là. Il y a une vie que la terre a parce que l'église est présente. L'église n'est pas une victime. Le monde entier devait reconnaître qu'il y a une grâce qu'ils ont parce que l'église est encore là. Les gens de Sodome et Gomorrhe ont vécu quelques minutes parce que Lot discutait avec les anges. Pendant la discussion, c'était comme une prolongation. Je suis en train de confesser qu'il y a des gens qui vivront parce que toi, chrétien, tu es encore là. Il y a des gens qui auront encore la grâce parce que l'église est en train de prier. J'aimerais que tu adores ce Dieu, que tu élèves ce Dieu. Dis Seigneur merci parce que je suis en toi. Je porte ta marque, la marque du Saint-Esprit. Tu vas dire Seigneur, scelle-moi avec ton esprit. La marque de l'Esprit, c'est en nous. Commence à élever ce Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, donne ta vie à Jésus. Là où tu es, tu peux te mettre à genoux et dire, je ne veux pas entrer dans le temps de la bête. Je veux recevoir la vie. Je veux être aussi enlevé avec le Seigneur. Évoque Dieu et il te sauvera. La Bible dit, quiconque évoque le nom du Seigneur, il est sauvé. Prions dans le nom de Jésus.